On va parler avec notre ami Tony Gousseau du site internet labitsnfl.com. Ça a bougé pas mal dans le marché des joueurs autonomes aujourd'hui dans la NFL. Ben, officiellement, c'est jeudi, que c'est mercredi à 16h que va se lancer le marché des joueurs autonomes. Par contre, tout ce qu'on va annoncer jeudi, dans le fond, c'est juste qu'on va juste confirmer parce que les annonces sont déjà pratiquement faites. Si vous suivez ESPN, si vous suivez NFL Network, il y a toutes sortes d'annonces qui se font. On va parler avec Tony Gousseau. Salut Tony! Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Tony, avant de commencer, comment tu vis ça? On s'en est parlé hors d'onde, mais j'aimerais ça que tu parlerais ça en onde. Comment toi tu vis ce qui se passe actuellement avec le COVID-19, oui. Le COVID-19, ouais. Oui, ben c'est dans mon cas, c'est quand même spécial, hein, parce que on fait face à l'inconnu. Je veux dire, j'ai des parents qui sont dans le fameux 70 ans et plus. Là. Mm. Fait que c'est des Italiens, donc on suit très près aussi l'Italie. On a ben encore de la oui, famille tu là-bas. Viens de l'Italie, toi. C'est, ouais. C'est assez triste. C'est là que ça se passe le plus. Ouais, c'est ça qui est dommage, hein? Comme dans n'importe quoi, on est en train de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs pour qu'on puisse réagir plus vite. Fait que faut qu'on se considère un peu chanceux. Je pense qu'on prend les moyens, mais c'est pas évident. Je trouve ça un peu triste. Ben pas triste, mais chapeau aux familles avec les enfants, tout le monde. Faut qu'il la fameuse conciliation travail-famille. Mm. Nous, dans mon cas, à moi. On va beaucoup, on a eu une annonce ce matin, on va travailler beaucoup en télétravail. Mais je veux dire, c'est pas drôle pour certains, les PME, tout ça, mais en tout cas, on va souhaiter que tout ça puisse se faire rapidement pour qu'on revienne un peu à la vie normale, mais je pense que ça va dicter aussi un peu la société, le futur. Moi, je vois des choses, il y a quand même des choses positives. Il faut chercher des choses positives, premièrement. Ouais. Premièrement, les gens, là, écoute, on revient aux vraies valeurs. Je ne sais pas si tu es un gars de valeur. Tu reviens aux vraies valeurs, l'amour, la famille. Là, tu vas me dire que tu es le partage. Tu vas me dire que je pars en peur, là, mais c'est vrai pareil. mais moi, je suis un gars de grande valeur. Fait que, tout à fait. Puis on revient aux vraies valeurs. Puis c'est aux valeurs de la vie. Et deuxièmement, moi, je suis un gars qui aime beaucoup le développement économique. Je pense que là, les histoires d'environnement puis les histoires, ça va coûter tellement cher qu'on n'aura pas le choix de développer nos ressources naturelles de façon brillante. Fait que on va se poser beaucoup de questions. On regarde en Chine, là on voit le pays, il n'y a plus de pollution parce que le monde, ben, tu sais, je veux pas non plus qu'on reste à la maison à rien faire. Mm. Mais je pense que ça va être important de bien se conscientiser puis la notion de bien comprendre que pour une des rares fois, on demande aux gens de, tu sais, c'est la responsabilité morale citoyenne, puis le petit peu que, tu sais, chaque petit geste qu'on fait, ben, ça va être important dans cette élimination de ce virus-là qui est incroyable. Chapeau aux travailleurs de la santé aussi. Qui travaille fort, fait que comme le dirait M. Legault, nos anges gardiens. Ouais, effectivement. Fait que non, tout le monde, il y a des pots et des comptes, mais faut garder la tête haute, faut pas trop stresser. Non, c'est sûr que c'est inquiétant. C'est sûr que c'est très inquiétant. Quand même. Moi, c'est pas le virus qui me fait peur, c'est l'économie. C'est exactement. C'est incroyable ce qui va se passer. Mais je pense que les gouvernements sont là-dessus pour justement, au moins, ils nous aideront pas à 100%, mais juste assez pour qu'on puisse continuer. Ouais. Bon, et c'est heureusement qu'on a la NFL. Heureusement qu'on a la NFL. Ben moi, j'en manque pas tant que ça de sport parce que, écoute, j'aime ça les classiques. J'aime ça écouter des classiques de sport. Puis, écoute, je me tape une couple de matchs des Expos de Saint-Cite, là. Je te dis pas que j'écoute ça au complet, là, mais j'écoute ça une coupe de manche, fait que c'est toujours le fun. Mais heureusement, le marché des joueurs autonomes s'est ouvert par deux transactions majeures. Évidemment, le marché des joueurs autonomes est toujours appliqué par des transactions. Et la plus grosse, d'après moi, c'est elle entre les Texans de Houston et les Cards d'Arizona. Ah, c'est l'échange majeur en ce moment qu'on vit. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. En tout cas, moi, je suis pas un grand fan du DG O'Brien, qui est aussi l'entraîneur-chef là, des Texans. Mm. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là, pour se débarrasser un des meilleurs receveurs de la ligue. Je crois énormément que les Cardinals ont gagné dans cet échange-là. Je crois qu'un choix de deuxième ronde, c'est quand même, ça vaut quand même pas mal dans un repêchage. Un choix de deuxième ronde de la NFL, c'est pas un deuxième ronde de la, peut-être au hockey, là, mais c'est quand même intéressant, pareil. Ben, c'est très intéressant, mais c'est le fait de voir que les Cards, parce que David Johnson a été quand même un porteur vedette là, pour la ligue, mais il a été blessé dans les dernières années, puis il avait. Puis en allant chercher Kenyon Drake, les Cards, durant l'année, puis il a quand même bien performé, se sont débarrassés d'un grand salaire pour David Johnson, puis ils sont allés chercher pour à peu près quasiment la même valeur, là, ou tout ça, sont allés chercher quand même un receveur de taille, puis on voit que les Cardinals, avec la première année de Kyler Murray, qui a été quand même optimiste, surprenant. Ils font quand même des. J'aime ça, des équipes qui sont agressives de même pour faire des échanges, pour aller chercher puis améliorer l'équipe au plus vite. Mm. Donc, très très bel échange entre. Un gros échange, puis je pense que les Cards ont gagné là-dessus. Ouais. C'est sûr que les Texans vont aller chercher, s'ils demeurent en santé, David Johnson est quand même un. Il est très talentueux, puis. Mais je pense que les Cards ont eu le dessus là-dessus. Là. OK. Ensuite de ça, du côté la grosse transaction qui vient de tomber également, c'est les 49ers de San Francisco qui ont bloqué une transaction avec les Colts d'Indianapolis. Les 49ers qui envoient leur un joueur étoile du nom de DeAndre Doris Buckner qui s'en va aux Colts d'Indianapolis en retour d'un choix de première ronde. Exactement, de Forrest Buckner qui était le premier choix des Colts. Ouais. Il était le 13e au total, donc les 49ers qui encore continuent dans leur lignée, dans le sens d'améliorer la défensive, de garder là-dessus un très bon échange de la part des 49ers. Les Colts, j'imagine que les Colts peut-être font un peu de ménage d'échange pour peut-être aller chercher des grands noms éventuellement, dont la rumeur dit que peut-être un Philip Rivers s'en viendrait à Indianapolis, là. Donc, ce sont des échanges. Moi, je pense qu'il va en avoir d'autres. Ça va bouger, ça va brasser, puis tout le monde attend. Puis je sais que tu vas en parler. Ça va être la chasse à Tom Brady. Ben, je peux pas croire, mec. Écoute, on va en parler. C'est sûr. Est-ce qu'on en parle tout de suite ou on dit les autres grosses nouvelles? Non, on peut y aller avec les autres grosses nouvelles. Oui, il y a des grosses nouvelles. Donc, il y a des joueurs qui se sont fait quand même. Derrick Henry qui est joueur de concession, c'est pas vraiment surprise. A.J. Green, joueur de concession également avec les Bengals Cincinnati. Après Dak ça, il y a Dak Prescott avec les Cowboys. C'est drôle, moi. Tu vas me dire, je me trompe, mais Tom Brady, là, honnêtement, là, ben moi, je le vois à retraite. Ça fait longtemps que les prononcer. Ouais. Je comprends. Je trouve qu'il n'y a aucun rapport encore à 43 ans quand tu as tout gagné, mais ça a l'air que ce ne sera pas ça. Là. Je l'aurais vu avec la retraite ou les Pats. Mais si à partir, la place que je l'aurais vu, ça a été les Cowboys et Dallas. Ben, tout à fait. Grosse ligne à l'attaque. On l'avait dit, c'était l'équipe qui était un peu plus la plus complète, qui avait besoin d'un peu plus d'encadrement, d'un corps arrière un peu plus qui gère mieux son attaque. Oui, ça a été la meilleure place pour Tom Brady. Pour revenir à Dak Prescott, c'est sûr que sont dans un dilemme avec Amari Cooper aussi là. Donc ils se sont dit bon ben on va l'étiqueter Prescott pour qu'il ait quand même un salaire quand même intéressant, parce que je pense qu'il voulait pas le donner le montant qu'il voulait. Il demandait tellement élevé, mais là, vu qu'ils ont pas fait les séries, dans un sens Prescott a gagné là-dessus, mais les Cowboys vont demeurer les Cowboys. Jerry Jones veut avoir le contrôle, fait que c'est sûr que Brady, c'était la meilleure place. Mais ben, ligne à l'attaque grosse, un bon porteur de ballon avec Ezekiel Elliott. Brady, là, je le vois pas. Là, la rumeur, c'est les Buccaneers. Honnêtement, ça n'a aucun rapport avec les Buccaneers de Tampa Bay. Ben, je suis d'accord avec toi. La rumeur dit qu'ils sont vraiment haut et fort. Ils veulent vraiment l'avoir. Moi, de plus en plus, puis là, les gens, ils ont les sources, les experts, les informateurs parlaient beaucoup de dire, bon, si Brady s'en va ailleurs, mais là, je pense de plus en plus, je pense que soit qu'il revient, avec les Patriots ou il prend sa retraite, ben je pense pas qu'il va aller quelque part. Ben, écoute, 43 ans, tu sais, c'est bien beau être la carrière d'avenir. Ouais. C'est la meilleure carrière de l'histoire de la NFL. Puis moi, c'est mon sportif préféré, Tom Brady. Là. Ouais. Tout sport confondu, c'est mon sportif préféré. Par contre, je me mets dans la peau d'une équipe. Le gars, 43 ans, il a montré des signes de ralentissement l'année passée. Oui, il était peut-être pas. Le gars. Il n'était pas même entouré. Belichick n'a pas réussi à faire la même affaire, mais par contre, tu sais jamais comment ça peut tomber. À 43 ans, regarde Peyton Manning sa dernière année, ça a baissé très vite. Là. Tu peux pas te baser là-dessus. Là. Exact. Puis il est rentré, pour venir à Manning, il est rentré dans une bonne équipe, un bon système, puis là, il a gagné, puis il est parti. Là. Brady, c'est une tête dure, puis je pense qu'il aimerait ça de finir comme il faut. Fait que, tu sais, tu regardes les Montana, les Favre de ce monde dans le temps. Ils ont tout conseillé, d'ailleurs. Exact. Ouais, de rester avec les Pats. Il va pouvoir dire qu'il a gagné, il a eu du succès avec une seule équipe. Je sais pas c'est quoi le trip, et il veut-tu faire... Moi, un corps arrière pour aller faire ses preuves ailleurs, je suis pas sûr. Non, c'est parce que dans le cas de Montana, il y avait Steve Young. Les 49ers, il restait une à deux bonnes années dans le cas de Joe Montana. Et les 49ers voulaient faire de la place à Steve Young. Et dans le cas de Brett Favre, tu avais Aaron Rodgers. C'était pas du tout le même scénario. Là. Non, je sais, mais dans un autre sens, il a quand même fini. Nous, on pense toujours à Favre comme le Packers, puis il a quand même joué pour les Jets, pour les Vikings. En tout cas, je sais pas qu'est-ce qui s'attend, parce que on l'a toujours dit. Hein, on dit que le succès de Bill Belichick, c'est grâce à Brady et vice-versa. Je suis pas sûr qu'on doit couper ce cordon ombilical-là entre ces deux-là, parce que je pense que c'est... Mais on va voir, est-ce que vraiment... ça a l'air que les discussions entre Brady et Belichick n'ont pas bien été, avec ce que j'ai entendu dire. Puis ce serait pas surprenant, parce que ce qu'on entend dire à travers les branches, c'est que... t'as-tu entendu parler de ça que Belichick aurait voulu garder Garoppolo et pour jour 1 que Garoppolo voulait Belichick voulait garder Garoppolo ça fait longtemps que parce que il avait tout calculé, tu sais, on pensait pas que Tom Brady t'offrait toutes ces années-là, ces dernières années-là. Fait que, oui, Belichick, je pense que c'est Kraft. Je pense que c'est Brady qui a dit à Kraft, ça c'est la rumeur, qui aurait dit à Kraft que c'est moi ou, tu sais, je veux dire, tu me gardes ou t'échanges Garoppolo. Fait que, mais ça va être, je pense que les équipes, il y en a qui veulent attendre, ceux qui ont besoin des corps arrière, là. Ils veulent avoir, parce qu'il va avoir des effets dominos. On voit que les Titans, ils ont signé Ryan Tannehill. Ils ont étiqueté Derrick Henry. Fait que là, c'est sûr Moi, ce que j'ai hâte de voir, si Brady quitte les Pats, qui va être le corps arrière des Pats? C'est ça. Il y a eu plusieurs rumeurs, mais ça, on n'est pas rendu là encore. Là. Mais on va peut-être faire des podcasts, parce qu'il y a à peu près qu'avec toi, je vais être capable de faire des podcasts. Fait que cette semaine, Tony, c'est sûr qu'on vient. Parce que Tom Brady, ça va être la nouvelle. Tout va se passer. C'est Tom Brady. Puis ça fait du bien de parler d'autre chose que le COVID-19. Parce qu'on est inquiet. On veut attendre ça. On veut suivre ça. On veut savoir qu'est-ce qui se passe au niveau personnel. Mais ça fait du bien. On voit que le sport. C'est ça. Le sport est rassembleur. Puis ça pour tout le monde, je sais que, tu sais, je veux dire, c'est plus les hommes qui suivent ça, mais, tu sais, je veux dire, c'est dommage de voir aussi, on regarde un peu, le char un peu du football, là. Après ça, j'ai d'autres nouvelles, là, de dernière, dernière minute, mais tu sais, je veux dire, je donne un exemple, tous les athlètes qui se préparent pour les Jeux olympiques, tu sais, je veux dire, c'est autant pour l'individu lui-même, autant pour le spectateur, ça nous fait quelque chose de pas avoir du sport. C'est sûr que il y a nos conjoints de son compte. Moi, je le commente, là. Si tu as vu sur Facebook, je comprends pas que Brent Smith n'a pas été capable de faire 6 manches avec les expos. C'est fidèle à son habitude, mais ça, c'est les gens qui se rappellent de Brent Smith, c'était à peu près ça, là. 6 manches avec les expos maximum. Tony, terminant, est-ce qu'on se parle, est-ce qu'on regarde le sujet où tu t'es parlé de la XFL? Comment tu as trouvé ça? Parce que là, on vient d'annoncer que c'est terminé, la XFL. Elle revient en 2021, c'est confirmé. Et avec une expansion fort probablement aussi. Fait que, comment tu as trouvé ça? Moi, j'ai trouvé ça positif, là. Hein. J'ai trouvé que, écoute, fallait pas s'attendre à des 40 000, fallait pas s'attendre à des gradins, fallait pas s'attendre. Et de voir que les codes d'écoute, c'est surtout ça que moi, je maintiens, les codes d'écoute de la XFL, comparables et même meilleurs que la NBA et le NC, meilleurs que le NC College Football, Basketball. Moi, j'ai trouvé ça très bon. C'est là-dessus que Vince McMahon devra bâtir. Oui, il devra continuer. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ça a été quand même du bon. Il y a eu du bon football sur le terrain. C'est sûr que là, je pense qu'ils vont regarder ça là. Tu sais, où est-ce que ça l'a aidé, où est-ce qu'il y a eu des bonnes cotes d'écoute puis les bons spectateurs. Ça a été les villes où ce que tu sais, comme Saint-Louis, qui ont renoué avec le football. Donc Saint-Louis a été vraiment la ville qui a eu le plus de spectateurs. Ils ont commencé à ouvrir les estrades encore plus haut. Je pense que Vince McMahon doit continuer. Puis le fait pourquoi aussi qu'on était curieux, c'était les nouveaux règlements. Ouais. Fait que Vince McMahon, puis je pense que c'est ça qui a été dit un peu partout, puis c'est ça que l'amateur de football veut, c'est que Vince McMahon va falloir qu'il... Peut-être s'il s'installe dans des stades un peu plus petits pour qu'il y ait un peu comme à Washington. On a vu ça avec Washington. Exactement. On a vu ça avec. Donc, des stades plus petits ou des villes où ce que il aimerait, où ce que le football, où ce que les gens aimeraient avoir le football chez eux. Donc, il y a ça. Il y a les nouveaux règlements qui ont été quand même intéressants à voir. Ouais. Le fameux botté. C'est pas ça que j'ai aimé le mieux, moi. C'est ce que j'ai aimé le mieux là-dedans. C'est le. Non. C'est ça, j'espère que la NFL va sauter dessus là-dessus. Là. La reprise vidéo, ce que t'avais les qui se parlent puis qui expliquaient leur décision puis où ce qu'ils en étaient rendus. Ça, ça, c'est pas dur pour la NFL. Je pense qu'ils devront. T'as pas le choix d'amener ça. Là. Ouais, l'accès aux discussions avec les officiels, ça a été fort. J'ai trouvé les entrevues avec les joueurs un peu. C'est de l'ajustement. J'aimais pas ça, c'est un peu exagéré, tu sais, dire au quart arrière après une interception qu'est-ce qui s'est passé là, tu sais, je veux dire à un moment donné là, donne-y un peu d'espace pour qu'ils sortent place là. Mais oui, il y a eu l'accès aux officiels, entendre les jeux appelés, ça peut-être pas, mais la reprise vidéo, donc non. On voit que quand une ligue est bien commencée avec de l'argent, il y a de l'espoir. J'aurais aimé, parce qu'ils ont quand même, c'est quand même, c'est quoi, après 4-5 semaines, je pense? Ouais. Tu sais, on n'a même pas fait autant que la Ligue Alliance, donc j'aurais aimé la fin de saison de la XFL parce que ça tombait le même week-end, les éliminatoires puis la finale, le même week-end que le repêchage de la NFL. Fait que j'ai aimé ça, puis même j'ai aimé ça voir comment que la XFL aurait sa popularité durant le March Madness aussi. Ben oui. Donc, tu sais, on n'a pas vraiment de comparaison. Il a bien performé parce qu'il n'y avait pas grand-chose encore. C'est ça le but d'avoir une ligue de printemps aussi. Oui, mais Danny, le crunch là, il s'en venait en ce moment là avec le March Madness, puis les éliminatoires durant le draft. Fait que c'est là qu'on aurait vu est-ce qu'il y aurait eu autant de réceptivité, autant de popularité que ça. Mais le sport quand même sur le terrain, la Ligue de printemps quand même va bien. Ben on a vu la première semaine, c'était du très bon football. Deuxième semaine, très difficile comme calibre, mais tu sais, il y a que 4 matchs là. C'est ça. Puis je pense qu'il y avait une période de rodage. J'aurais dû se mettre un ou deux matchs en expansion. Un ou deux matchs de pré-saison, question de roder, question d'apprendre les jeux. On s'en reparle. Il y en a eu, par exemple. Ouais, il y a eu un match, par contre, mais peut-être un deuxième, ça aurait pu être. Puis les dernières nouvelles, là, je ne sais pas quand est-ce qu'on va se revoir. Là, on est lundi. Mercredi, oui. J'aimerais ça te parler de la convention collective. On n'a pas parlé, mais c'est confirmé 17 matchs à partir de l'an. Je ne sais pas si c'est l'an prochain. 2021. Pas l'année prochaine, l'autre. OK. Donc, l'année prochaine, on va avoir deux équipes de plus dans les séries, ça c'est sûr. OK. Donc, une équipe de chaque conférence. Comment ça va marcher? C'est qu'il va y avoir six équipes. Les six équipes vont jouer en ronde des wild cards, puis il y a seulement le premier de chaque conférence qui a un bye. Donc, il y a 7 équipes, il va y avoir 14 équipes au lieu de 12 en éliminatoire à partir de la saison prochaine. Et en 2021, on vise le 17e match dans la saison. On ne sait pas ça va être quoi, là, mais je pense pas que ça va être dans la division. Mais on voit la convention collective. Je voulais juste terminer notre Québécois, Anthony Auclair. Ça, c'est surprenant. Ça va dire en affaire. C'est une bonne nouvelle, mais je suis surpris. Mais les gens des box l'aiment beaucoup parce que c'est comme il y a beaucoup de talent, mais ils ont comme tu sais il est derrière Braid puis je me souviens plus de l'autre nom. Ça me surprend pareil, tu sais, je vais m'expliquer pourquoi. Ouais. Parce que Anthony Auclair, nous on l'aime bien, c'est un Québécois, c'est correct, mais Anthony Auclair, tu donnes un coup de pied puis il y en a en sorte mais je suis bien content là, tu sais. Je suis très content, tu sais ce que je veux dire. Il est chanceux parce que l'organisation l'apprécie énormément, il travaille fort, c'est un bon comme troisième tyrant. Donc, une unité spéciale aussi, il est bon aussi. Exactement, dans les unités spéciales, donc il y a eu ça. Kirk Cousins, ça avec, je comprends pas. Là, il a été prolongé de 2 ans et 66 millions, là. Il n'était pas joueur autonome. Cam là, Newton, il se passe quoi avec lui? C'est silence radio. Cam Newton, c'est un carrière qui était sur le marché des joueurs autonomes, très intéressant. Ouais. Je pense que le talent est encore là. Mais je pense que sa santé va pas très bien là, au niveau de ses blessures. Je pense que les équipes doutent beaucoup. Mais on va voir avec le nouveau coach qui est rendu là s'il va y donner une chance. C'est à suivre, mais on va s'en parler mercredi quand tout va être quand officiel. Tom Brady on s'en parler quand Tom Brady a. Parce que là, il va avoir des rumeurs. Là, ça fait du bien. Ça fait du bien, Alex. Pas Alex, mais Tony, d'avoir parlé de football. Parce que j'ai été dans le COVID-19 toute la journée. Ben, moi aussi. On s'en parle. Tony Gouzeau du site internet lebitsnfl.com.